premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire sur une histoire des hérésies, des sectes et des dissidences religieuses. Demain, notre émission sera consacrée au roi d'Angleterre Henri VIII et à la naissance de l'anglicanisme. Mercredi, nous nous demanderons ce que sont les hérésies dans le monde romain. Jeudi, le documentaire d'Olivier Chomel et d'Anne Fleury portera sur les vaudois dans le Luberon. Et ce matin, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Jean-Pierre Chantin, chercheur au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, le LARA, et également à l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité de Lyon, et auteur l'an dernier d'un livre qui s'intitule, c'est très clair, « De secte en hérésie ». Étape d'une réflexion sur la dissidence religieuse à travers les âges, et c'est aux presses universitaires de Lyon. Avec lui, nous tenterons de comprendre comment les termes d'hérésie, de secte et de dissidence ont pu cheminer jusqu'à nous depuis 2000 ans. Et puis à la toute fin de cette émission, nous nous souviendrons d'une jeune historienne que nous aimions bien, Larissa Zakharova, qui avait enrichi plusieurs émissions de la Fabrique de l'Histoire de ses grandes connaissances sur les communications et sur la mode en Union soviétique, dont on a appris la disparition ce week-end. France Inter, 6 octobre 1994. À ses disciples, il avait promis la fin du monde, il a tenu parole. 50 hommes, femmes et enfants sont morts hier en Suisse et au Canada, dans 3 maisons volontairement livrées aux flammes par leur maître, leur gourou. Il y a 2 ans, pour nos confrères de la radio suisse romande, le docteur Luc Jouret prophétisait la fin du monde. Il expliquait avoir eu la révélation par l'homéopathie. Je vous propose d'entendre ce document. C'est à partir de l'homéopathie que j'ai commencé à chercher ce côté sublime de l'homme qui est en chacun d'entre nous. On a tous le pressentiment qu'il y a une dimension transcendante qui est au-delà de nos petites contingences humaines qui peuvent nous ou nous égarer ou nous révéler, je veux dire, la quintessence de la conscience humaine. Je dis que nous vivons un moment fabuleux sur l'histoire, dans l'histoire de notre planète et de notre humanité, parce que nous y sommes. C'est l'heure de la révélation, c'est l'heure de l'apocalypse. On ignore si Luc Jouret figurait parmi les victimes de l'apocalypse qu'il avait lui-même annoncé. En revanche, on sait avec certitude que l'un des 7 grands maîtres de la secte était au nombre des morts, découverts dans une ferme du village suisse de Chéry. Ce drame rappelle bien sûr ce qui s'est passé il y a quelques mois à Waco, au Texas, avec les disciples de David Koresh. Cela évoque aussi le Guyana et le suicide collectif des fidèles du révérend Jim Jones. Une archive de France Inter, Philippe Habitboul, le journal de France Inter, le 6 octobre 1994, pour ouvrir notre émission. Parce que 1994-1995, c'est une date importante que vous notez dans votre livre de secte en hérésie. Jean-Pierre Chantin, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin. Donc aux presses universitaires de Lyon, c'est une date importante parce que vous dites que c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte de conjonction où, comme aujourd'hui souvent d'ailleurs, les médias, mais également les hommes politiques, les parlementaires ramassent en gerbe plusieurs événements qui n'ont pas toujours la même valeur pour pouvoir en leur donner un sens. Et ce sens, c'est justement le renouveau des sectes dans la France, et en particulier dans la France et dans l'Europe d'ailleurs, de la fin du XXe siècle, ce qui donnera donc une législation sur les sectes qui naîtra à ce moment-là, justement. Oui, c'est ça. En fait, ça participe plus globalement à une redécouverte du religieux, tout simplement. Enfin, de la question religieuse. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et les sectes, finalement, c'est ça. C'est est-ce que ces groupes-là font quelque chose de religieux ? En fait, la réponse est non. Clairement, à l'époque, les journalistes ou les parlementaires disent que ce sont des escrocs, que la secte, c'est une proposition à tonalité religieuse, mais qu'en fait, c'est pour faire de l'argent ou pour des monnaies qui sont pas respectables. Mmh. Et on a là une nouvelle définition qui se met en place de danger social, de petits groupes. C'était déjà en germe depuis 40 ans, mais c'est à ce moment-là que ça éclate réellement, oui. Oui, donc on entend dans ce reportage et dans cette présentation de Philippe Habitboul sur France Inter en 1994, la secte de Waco, celle du Guyana de Jim Jones et celle de l'ordre du Temple solaire, tout cela rassemblé ensemble. Effectivement, ce sont des événements qui sont épars, mais auxquels on finit par donner une sorte de sens. On arrive à la fin millénaire, donc on se dit on va peut-être avoir une floraison, comme à d'autres moments justement, une floraison de mouvements religieux apocalyptiques et millénaristes, donc dont ferait partie justement par exemple cet ordre du Temple solaire, Jean-Pierre Chantin. Alors, le Guyana, c'était 20 ans auparavant, donc c'était même passé rapidement. En revanche, il y a Waco, on a le Temple solaire, il y a aussi Aum, Shinrikyo, au Japon. Au Japon, et là on est dans la même année. L'attentat au gaz sarin dans le métro. C'est ça. Et donc en même temps, ces événements-là qui arrivent en même temps posent des questions. Alors on le relie pas tout de suite à la fin du millénaire. Je montre dans le livre qu'il y a eu un événement en l'an 2000 en Afrique où des quelques milliers de personnes se sont tuées parce que l'an 2000 était là et c'est passé largement inaperçu, mais c'était en Afrique. Donc c'est vraiment la question de cette immersion ou cette émergence de propos religieux dans le monde occidental proche qui questionne en fait. Et plus que l'an 2000 qui vient un peu après. Oui, c'est-à-dire que il y a aussi une question, c'est-à-dire quelle place faire aux religieux dans nos sociétés occidentales qui seraient en voie de déchristianisation, même si certains le nient par exemple, et donc de se dire que peut-être ce surgissement du religieux nous ramène à des époques anciennes, nous fait replonger dans un Moyen-Âge fantasmé justement où tout le monde serait guidé par une sorte de des raisons liées justement à ces religions devenues folles. Oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est assez curieux puisque dans ces années 90, on découvre qu'il y a des religions respectables, catholicisme, protestantisme, judaïsme. On ne parle pas de l'islam encore beaucoup, quoique c'était aussi la période des attentats à Paris. Mmh. Et on voit qu'il y a des groupes qui seraient pseudo-religieux. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les périodes. Ces groupes ne sont pas réellement dans une proposition religieuse. Ils ont d'autres propos, ils sont beaucoup plus humains. Donc, ils sont dangereux pour la société. Et voilà, donc ces années 90, où normalement on est une société sécularisée, on redécouvre l'honorabilité des religions. D'ailleurs, dans le rapport parlementaire, on parle des religions reconnues, ce qui est un peu curieux dans un régime de laïcité. Mmh. Et ces religions reconnues s'opposeraient à celles qui seraient fautives ou porteuses de danger. Ce à quoi les défenseurs, justement, de ces religions non reconnues disent, écoutez, le christianisme à ses origines n'était pas reconnu et donc il l'est devenu ensuite. Enfin, il y a toujours un moment de gestation pendant lequel, effectivement, on est considéré par des religions majoritaires, par exemple, comme étant une secte, une hérésie ou quelque chose qu'il faut bouter hors du royaume ou hors de l'empire. Mmh. Alors la reconnaissance, elle est à deux niveaux. Il y a la reconnaissance ou pas par d'autres religions ou par d'autres organisations religieuses. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a aussi la reconnaissance ou pas du politique. Oui, c'est aussi le politique. Très intéressant. Eh oui, et on retrouve ça de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec le politique qui va se permettre de juger, donc je répète, même en régime de laïcité français, de ce qu'est le bon religieux du pseudo-religieux. Alors vous êtes vous-même historien, spécialiste d'une branche du jansénisme, donc les convulsionnaires de Saint-Ménard, mais également de ce qu'on appelle la petite église, qui est l'église non concordataire, qui n'a pas reconnu le concordat signé par Napoléon et le pape au tout début du XIXe siècle, et qui a continué donc son rite, et qui déteste d'ailleurs d'être appelée la petite église. Expliquez-vous, parce qu'évidemment, elle se considère comme l'héritière de l'Église véritable, et ce sont les autres qui sont des hérétiques à leurs yeux, d'une certaine façon. Oui, ça c'est très emblématique de tous ces mouvements-là. D'abord, les deux noms que vous avez donnés sont des noms qui sont récusés par les groupes eux-mêmes. Jansénisme, c'est un nom créé par les jésuites pour désigner ils sont les adeptes de quelqu'un et pas du Christ. Mmh. Donc les jansénistes récusent ce terme-là. Ils préfèrent dire ami de la vérité ou port-royaliste en référence à Port-Royal, mais ils n'aiment pas le mot janséniste. De même, petite église, ça voudrait dire que cette petite église n'appartient pas à la grande église. Or, pour eux, ils n'ont pas changé. Et ça aussi, on le retrouve dans beaucoup de groupes. En fait, ce sont des groupes conservateurs, pas tous, mais là, en l'occurrence, nous avons des groupes conservateurs. Ils constatent que l'église change en signant un texte avec Napoléon Bonaparte, qui est alors consul. Et surtout, on renouvelle l'épiscopat. Et on renouvelle l'épiscopat sans respecter les formes qui étaient celles de l'église à l'époque. Donc, eux disent, on n'a pas bougé. L'église bouge, on reconnaît pas cette église-là en France, mais pas dans le monde, et donc il récuse le terme de petite église. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous expliquez très bien dans votre livre de secte en hérésie combien il est difficile de manier les termes de secte, d'hérésie ou de dissidence religieuse, parce que les historiens de la religion, les spécialistes d'histoire religieuse, ont préféré depuis un certain temps, même si par exemple le médiéviste Alain Bourreau pense qu'il ne faut pas employer ce terme de dissidence religieuse, mais continuer à employer ce terme d'hérésie comme on le faisait auparavant. En tous les cas, ils ont préféré ce terme de dissidence religieuse au terme d'hérésie. Donc on voit bien qu'effectivement ces termes sont fluctuants, sont malléables et qu'ils ne sont pas les mêmes selon qu'on les utilise dans le monde antique, au 12e ou au 13e siècle, ou qu'on les utilise au 19e ou 20e siècle. Et l'historien a un gros problème sur ces sujets-là, c'est que les sources, même jusqu'à très contemporaines, sont essentiellement celles des pouvoirs qui les combattent. Donc les noms sont ceux du pouvoir, on peut parler du mot Qatar, on peut parler des Donatiens ou de n'importe quel groupe qui ne s'intitule pas comme ça, et c'est le pouvoir qui leur donne un nom et qui, en les jugeant, les accuse. Et on n'a que ces sources-là, souvent. Donc l'historien est assez démuni, et puis hérésie c'est un jugement de valeur, comme secte d'ailleurs, et c'est un jugement de valeur négatif. Donc on est un peu embêté pour utiliser le terme. Dissidence c'est un peu moins gênant, puisque c'est plus neutre, éventuellement. Et c'est pour ça peut-être que les historiens de la religion ont préféré prendre ce terme-là depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, plutôt que le terme d'hérésie ou le terme de secte. Oui, alors moi j'avais proposé un autre terme, que je vais pas développer dans ce livre-là, mais j'aime bien aussi le terme de marge. Parce que la marge, ça a un double sens. Vous avez ceux qui rompent réellement, parce qu'ils l'ont voulu ou parce qu'ils sont éjectés du groupe, donc c'est la marge extérieure, mais vous avez aussi des personnes qui ont les mêmes idées, mais qui, elles, ne rompent pas, qui restent dans le groupe, qui peut-être vont se détacher lentement et silencieusement, mais qui restent dans le groupe, et là, moi, je parle de marge intérieure. Et je trouve que le concept fonctionne pas trop mal. J'avais un exemple dans la région lyonnaise, par exemple, pour la petite église, pour garder ce terme-là, où j'ai identifié à peu près 1 500 personnes qui ont été exclues des sacrements, tout simplement, mais j'ai identifié 10 000 personnes qui, elles, étaient restées dans l'église catholique. Donc vous voyez, alors la proportion n'était pas généralisable, mais on avait quand même un phénomène assez intéressant. Alors, vous vous êtes attelé pour ce travail, qui est visiblement un travail issu de cours que vous avez donné, puisque vous cheminez par sauts, comme pourrait-on dire, dans les 2000 ans d'histoire qui nous séparent, par exemple, de la naissance du christianisme. Vous cheminez par sceaux et vous vous posez la question justement pour de voir comment eh bien on a qualifié à un moment ou à un autre quelque chose qui allait devenir une hérésie. Alors on en parlera mercredi dans notre émission puisque nous traiterons de la question de l'hérésie dans le monde romain antique et donc avant ou au moment de la naissance du christianisme, de comment il a été perçu par ceux qui n'étaient pas chrétiens en particulier, et par les empereurs avant la conversion de Constantin. Mais néanmoins, il faut peut-être revenir sur ce moment-là, ce terme d'hérésie donc ou de secte. On ne sait d'ailleurs même pas ce qu'il signifie, parce que quand on fait de l'étymologie, expliquez-vous, Jean-Pierre Chantin, eh bien, il y a plusieurs étymologies possibles pour hérésie et plusieurs étymologies possibles pour secte. Oui, ce qui fait que quand les personnes essayent de faire un travail là-dessus, bien souvent, on fait recours à l'étymologie et on se trompe. Alors, pour hérésie, c'est assez simple, hein, puisque l'hérésie en grec, c'est le choix. Et en fait, le terme a été extrait pour dire, dans le judaïsme, c'est Félix Joseph qui parle de secte. Les Esséniens, les Pharisiens et les Sadducéens, et puis même d'autres encore, mais c'est les trois principales. Et en fait, ce sont des choix à l'intérieur du judaïsme. Il n'y a pas d'idée de rupture. Les uns et les autres se reconnaissent comme étant juifs. On retrouve la même chose dans l'islam, d'ailleurs, des groupes qui s'opposent à l'intérieur de l'islam, et on a un peu cette conception de choix interne. Et c'est vraiment avec l'église chrétienne, quand le christianisme s'organise, d'ailleurs il s'organise contre la pluralité des lectures dans les premiers temps, deuxième siècle, et c'est à ce moment-là que le terme va commencer à prendre un caractère péjoratif, avec les hérésiologues, c'est à ce moment-là que naît le terme, tel que Irénée de Lyon ou Justin de Naplouse, qui eux définissent l'hérésie comme étant l'erreur, puisqu'il y a une chaîne qui n'est pas celle qui remonte aux apôtres et à Jésus, puisque le diable intervient. Donc on a un terme qui prend un sens péjoratif. Et puis alors, pour ajouter à la complexité, pour le mot de secte, qui est issu du latin sequi, suivre, tout simplement, on a quelqu'un, Lactance, qui carrément fait un faux, et qui explique, ou du moins... Une fausse étymologie, qui est contestée, voilà. dès son époque, hein, et qui dit que la secte, c'est ce qui coupe, d'ailleurs c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui, et la religion, c'est ce qui relie. Ouais. Or, non, la religion, ça vient pas de relier, hein, ça vient de respect scrupuleux de rite, Donc l'étymologie n'est pas tout à fait la même. Et donc vous dites qu'à partir du deuxième, surtout du troisième et encore plus évidemment au moment de la conversion de Constantin en 312, c'est-à-dire au début du IVe siècle, eh bien évidemment il va y avoir de plus en plus justement d'auteurs qui vont écrire contre les hérésies. Vous les avez cités, Irénée de Lyon, ça c'est en 180, Justin de Naplouse c'est au milieu du IIe siècle, Tertullien avec son contre Marcion qui va créer une sorte d'église parallèle en particulier dans l'est du bassin méditerranéen, et que tout cela justement vont conduire à exclure ceux qui ne sont pas dans la règle. Et la règle, d'ailleurs, il faut la définir. Donc on va faire des conciles pour pouvoir définir cette règle. Le concile de Nicée est le plus connu en 325, mais il y en a d'autres, évidemment, qui vont définir ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Vous savez, vous connaissez la maxime, on s'oppose en s'opposant. En fait, les choses ne sont pas réellement définies dans ces premiers siècles. Tout est à faire, il n'y a pas d'église constituée, il y a des groupes locaux, mais ils se reconnaissent pas forcément les uns les autres. Ils se connaissent, mais... Et il faut bien se définir. Et qu'est-ce qui pousse ces chrétiens à se définir? Eh ben, c'est la contestation d'autres groupes, qui sont tout autant chrétiens d'ailleurs. Vous parlez d'église parallèle, mais vraiment parallèle, pas subordonnée, pas différente. C'est une proposition parmi quelques centaines d'autres. Et c'est parce qu'on va combattre ces groupes-là qu'il va falloir se définir. Si eux-mêmes proposent certaines lectures, Marcion par exemple nie l'aspect juif en disant qu'il y a une église réellement chrétienne, et il fait comme les autres. Hein, il n'intègre pas donc tout l'héritage juif dans en particulier de la Bible dans son travail. Et il fait un choix de texte comme tout le monde le fait. Et bon, ben il faut combattre Marcion, donc on doit expliquer au nom de quoi on le combat. Et c'est du deuxième au quatrième siècle, ça va être ça. L'église va se continuer comme ça, avec aussi des rites, avec un corpus de textes. Donc voilà, c'est vraiment c'est ça qui a créé réellement la grande église comme on dit à l'époque. Et qu'est-ce qui justement vous intéresse, vous qui êtes donc spécialiste des siècles bien plus tard, puisque vous êtes spécialiste plutôt du 18e, du 19e siècle, en l'occurrence Jean-Pierre Chantin, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce moment de forge, pourrait-on dire, de ces concepts, de ces premières exclusions, de ces premières purifications de la grande église, que vous retrouvez tout au long du temps en regardant sur la longue durée ce travail sur les sectes et les hérésies? D'abord, c'est un moment assez particulier, puisque l'Église n'est pas réellement constituée. Alors, il y a des débats. C'est finalement ce qu'on retrouve un peu à chaque fois. Quand il y a une nouveauté qui arrive, l'institution religieuse, quelle qu'elle soit, doit se positionner. Et on voit, alors là, au niveau politique, comment ça se fait. Donc là, il y a un moment qui est intéressant et qu'on retrouve avec l'intervention du politique là-dedans. Constantin, pourquoi tout d'un coup, au partir du IVe siècle, l'Église triomphe? C'est parce que Constantin et ses successeurs, a besoin d'une religion pour unifier l'Empire. Mais je pourrais dire que c'est la même chose pour l'islam. Lorsque Omar, qui est un successeur de Mahomet, entend unifier un peu toutes les conquêtes qui ont été faites dans des lieux assez divers, qui ne sont pas que arabes, et ben il unifie le Coran. Il prend toutes les versions du Coran, il en fait un seul, il détruit les autres, et certains chercheurs, là je suis pas spécialiste, mais disent que c'est même à ce moment-là que la figure de Mahomet apparaît comme réellement émergente. Et donc là aussi, le politique joue sur le religieux pour unifier le monde social. Et on retrouve ça tout à fait dans toutes les époques. Oui, c'est d'ailleurs ça qui vous a beaucoup intéressé, qui est assez passionnant, c'est comment en fait le religieux ne se suffit pas pour gouverner la société, et qu'il faut toujours qu'il y ait un pouvoir politique qui l'adopte à toutes les époques pour pouvoir, au bout d'un certain temps, faire en sorte qu'il y ait unification autour du souverain avec une même religion. On sait comment ça s'est passé après la guerre de 30 ans dans tous les pays d'Europe, mais en l'occurrence, c'est ce qui vous a marqué dans votre travail, Jean-Pierre Chantin. On revient dans un instant avec vous après le quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen. Thank you. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un extrait de la danse de la fureur pour les sept trompettes tirée du Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen dans notre émission qui ouvre une série d'émissions consacrées aux hérésies dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec l'historien Jean-Pierre Chantin, auteur aux presses universitaires de Lyon de Deux sectes en hérésie, étape d'une réflexion sur la dissidence religieuse à travers les âges. Alors nous avons expliqué comment effectivement était né justement ce concept d'hérésie, comment il s'était appliqué au moment hésitant, pourrait-on dire, les premiers temps de la chrétienté. Évidemment, quand on pense hérésie, et on en reparlera évidemment dans le documentaire consacré aux Vaudois, qui sera plutôt centré sur le XVIe siècle, mais qui reviendra sur la naissance de ce qu'on a appelé l'hérésie vaudoise, ça sera jeudi dans la Fabrique de l'Histoire. Évidemment, on pense au Moyen-Âge, on pense aussi à tous ces moments où des grands théologiens du Moyen-Âge vont définir ce qui est dedans, ce qui est dehors. Au moment, par exemple, de la réforme grégorienne, Jean-Pierre Chantin, qui est un moment très important, il y a ceux qui refusent la réforme grégorienne et qui vont progressivement être considérés par la papauté, mais également par les grands spécialistes de l'Église, qui étaient par exemple Bernard de Clairvaux ou encore Alain de Lille, théologien, comme des hérésiaires. Des membres d'une hérésie. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au moment où quelque chose, ça aussi c'est un invariant, au moment où l'Église définit quelque chose ou commence à organiser, on n'a pas forcément une unanimité. C'est ce qu'on oublie un petit peu de manière générale, c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la ligne suivie, mais tous ceux qui sont pas d'accord n'entendent pas forcément être des dissidents. Ils font entendre leur voix. Et c'est ce qui se passe au moment de la réforme grégorienne où on a une réorganisation de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui d'ailleurs, hein. Je vous signale qu'au lycée, c'est jusqu'à aujourd'hui, ça va changer, c'est une partie du programme, comment le monde devient chrétien en Europe occidentale, avec la réforme grégorienne. Bon, des personnes refusent que les prêtres aient une certaine autorité, que le pouvoir religieux l'emporte sur certaines prérogatives féodales, etc. etc. Et localement, il n'y a pas de mouvement général, mais localement, refusent. On voit émerger. Oui, voilà, des chanoines d'Orléans, c'était les premiers en 1022, qui ont commencé à dire que finalement, ce culte de la Vierge n'était pas tout à fait... Ils honoraient la Vierge, mais pas au sens où on voulait le faire. Et bon, mais ça a été les premiers quand même qui ont été brûlés pour ça. Oui, alors ça c'est à Orléans, mais effectivement, on va les voir progressivement à Arras, à Châlons, en Aquitaine, dans la Saxe, la Lombardie, puis ensuite au XIIe siècle, du côté de la Rhénanie, de Troyes, de la Charité-sur-Loire, ou encore de Vézelay, et à la Alain de Lille, justement, dans ce XIIe siècle, écrit contre les hérétiques. Et là, il reprend une vieille tradition du début de l'Église, pourrait-on dire, parce que c'est le traité contre toutes les hérésies qui se sont produites, c'est Justin de Naplouse. Le traité contre les hérésies de Irénée de Lyon au IIe siècle, c'est donc au IIe siècle. Tertullien, c'est le contre Martien. Martion, on a donc là tout une sorte de reprise des origines de l'Église avec une Église qui se reforge et qui a besoin de dire qui est dedans, qui est dehors. Et surtout savoir si ces personnes sont chrétiens. Et en fait, ils ont une lecture qui vient de Tertullien, comme vous l'avez dit, ou d'Alain de Lille, mais aussi Alain de Lille qui reprend Tertullien ou autre, mais aussi Augustin, par exemple. Et pour eux, il faut montrer que ces groupes, en fait, sont les héritiers naturels de ces hérétiques dans l'erreur des premiers siècles. C'est pour ça que le terme de cathare, puisqu'il faut bien employer le terme, est inventé sur les bords du Rhin. Et c'est une reprise d'un terme qui était chez Augustin. Et on montre que ces dissidents du Rhin sont en fait des vulgaires héritiers des erreurs des premiers siècles. Donc ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas l'Église elle-même qui produit les erreurs. Les erreurs viennent d'en dehors d'elle. Oui, et puis il y a surtout quelque chose, c'est qu'en parallèle, ceux qui commencent à être des dissidents de cette Église en voie de réforme très accentuée, donc au XIe et au XIIe siècle, se disent, eux, les adeptes d'un christianisme primitif. Ça, c'est une autre des caractéristiques, c'est-à-dire que ce sont toujours des mouvements qui, à un moment ou à un autre, veulent se replonger dans une origine mythique, très lointaine, qui serait plus pure, qui serait moins touchée par les temps, et en particulier par l'argent, le pouvoir, etc., avec une volonté de revenir à des plus petites communautés, parce que ce sont toujours des petites communautés, au bout du compte, y compris les fameux cathares dont on entend parler, qui ne s'appelaient pas eux-mêmes les cathares. Pas du tout, le terme n'a pas été employé dans le sud-ouest de la France. Mais en fait, les deux parties, je dirais, sont en quête de légitimité. L'Église, qu'on va appeler la Grande Église, comme le terme était employé au début des temps chrétiens, elle aussi doit chercher quelle est sa légitimité. Et sa légitimité, c'est une lignée d'apôtres qui remonte, enfin d'évêques qui remontent aux apôtres, etc. Et en face, on fait la même chose. On doit montrer aussi qu'on est légitime. Et la légitimité, bon, puisque ça peut pas être ça peut être d'ailleurs des évêques. Hein, la petite église, on en parlait, se rattacher à des évêques qui avaient été démissionnés en 1801. Mais ça peut être aussi le texte, tout simplement. On a des évangiles, les évangiles disent des choses, ce sont des évangiles qui sont reconnus par tous. Si une décision de l'Église s'oppose aux évangiles, donc la décision de l'Église est mauvaise. Donc cette recherche de légitimité, elle est des deux côtés. Après, le petit groupe, il n'est pas toujours recherché. Ça dépend. Il y a des groupes qui pensent qu'ils sont à la fin des temps. C'est une lecture qu'on retrouve dans Jean. À la fin des temps, le petit nombre d'élus gardera la vérité et le grand nombre se trompera. Et quand la fin du monde arrivera, seuls les élus resteront. Donc, mais ça, je dirais, c'est une lecture en deuxième partie. C'est finalement parce que le groupe ne réussit pas à s'imposer. Est-ce qu'il cherchait à s'imposer? On ne sait pas. Mais parce que le groupe est persécuté, il faut trouver une explication. Mm-hmm. Et là, l'Apocalypse de Jean est un recours. Et c'est assez constant, oui, dans tous les groupes. Et puis, effectivement, quand on se penche en historien sur ces mouvements, sur lesquels vous l'avez dit dès le départ, Jean-Pierre Chantin, on n'a pas beaucoup de documentation, sinon la documentation de cette église qui les poursuit. On s'aperçoit tout de même que la plupart d'entre eux sont dans des situations peut-être sociales, en difficulté. Les fameux cathares qui ne sont pas des cathares sont, dites-vous, des gens de la petite noblesse dans un sud-ouest qui a privilégié l'héritage lignager. Ça, on le doit en particulier à Jean-Louis Biget. Et qui ne connaissent pas le droit d'aînesse dans cette région, ce qui fait qu'on se partage des petites propriétés qui deviennent à chaque génération de plus en plus petites et qu'on n'a plus de quoi subvenir à ses propres besoins. Mmh. Donc il y a aussi cette dimension sociale qui fait réfléchir autrement à la question de son statut dans une société qui change. Et oui, et puis c'est le mal-être, tout simplement. Vous êtes en mal-être. Donc le mal-être, il vient d'où? Alors il vient peut-être des contingences sociales, etc. Mais il y a aussi une question sur le mal, sur le bien, sur la voie droite pour assurer son salut, surtout au Moyen-Âge, hein, la question est primordiale. Et si on n'est pas très bien, et dans ce question sociale, l'Église est très présente, bon ben, on va combattre l'Église en tant que pouvoir séculier, pas que en tant que pouvoir religieux. Et ça fait partie des explications. Alors là, après, les explications sont très très nombreuses, sont très multiples. Et l'historien le sait bien. Et effectivement. Et puis, on peut s'étonner, par exemple, dites-vous, moi je ne le savais pas, que du faible nombre des hérésies entre ce IVe siècle dont on parlait au tout début avec vous, c'est-à-dire ce moment où on voit la première grande église se forger autour des conciles, autour de l'empereur qui se convertit au christianisme, et puis ce XIe siècle et de la réforme grégorienne, vous dites qu'il y a certes quelques hérésies, il y en a évidemment, mais qu'elles sont peu nombreuses par rapport au nombre qu'il y avait auparavant, dans ce 3e, 4e siècle, et puis après, effectivement, à partir du 11e, 12e siècle. Donc on peut se poser une question, on n'a pas de réponse, pour savoir pourquoi il y en a si peu. Alors évidemment, ce moment est très important, mais peut-être moins que le moment où une vraie réforme va se mettre en œuvre, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, avec Luther, et là, vous y insistez encore, effectivement, il s'agit d'une question de pouvoir séculier, de pouvoir religieux, de discussion entre les deux, et qu'il est très important de ne pas perdre cela en tête, de garder ça en tête pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Ah oui, c'est fondamental. Alors là, les collègues qui travaillent sur les questions seraient bien plus à même que moi de vous l'expliquer, mais bien entendu, c'est fondamental. Je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu particulier aussi avec les réformes protestantes, c'est que là, on a des hérésies, puisqu'on les a qualifiées comme ça, mais on va dire des dissidences, qui deviennent des églises et qui elles-mêmes deviennent importantes. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'elles font des dissidences elles-mêmes. Et là, on a quelque chose de nouveau, et surtout dans le protestantisme, vous savez, le vieux débat, chaque protestant est une église à lui tout seul, mais qu'est-ce qu'il fait des autres? Et c'est une des questions qu'on peut se poser. On écoute dans un instant, tout de suite même, Benjamin Britten, un titre de 1965, Every Night and Every Morning, sur un poème de William Blake. Yeah. Un extrait du morceau Every Night and Every Morning de Benjamin Britten sur un poème de William Blake dans une interprétation de Benedict Nelson comme baryton et Malcolm Martineau au piano. Nous sommes avec Jean-Pierre Chantin dans notre première émission consacrée à la question de l'histoire des hérésies. Vous êtes l'auteur de Deux sectes en hérésie. Une des questions, William Blake fait partie de ces poètes de la fin du 18e et du tout début du 19e siècle qui ont eu déjà très jeunes des visions. Il a été considéré comme quelqu'un de bizarre dans ce 19e siècle, très marqué par l'esprit des Lumières, mais pré-romantique aussi. On peut se poser la question de savoir quels sont les symptômes qui permettent, par exemple, dans ces siècles du Moyen-Âge ou même à l'époque de la Réforme, de déterminer qui est un hérétique et qui ne l'est pas. Par exemple, des visions de très grands saints de l'Église catholique en ont eu, et donc ça n'est pas un signe particulier qui vous ferait exclure de l'Église, par exemple. Alors, d'abord, quand vous dites qui vous ferait, d'abord l'historien ne juge pas, il prend acte, donc c'est l'Église qui exclut. Mm-hmm. Je vous rappellerai un exemple célèbre, c'est que François d'Assise a failli lui-même être mis hors de l'Église. Sa proposition d'une Église pauvre, je vous renvoie au nom de la Rose, où la controverse est intéressante entre les franciscains et les légats du pape, mais donc lui-même a bien risqué aussi de se faire exclure, et d'ailleurs on s'est servi des ordres mendiants pour combattre les dissidents du Sud-Ouest, parce qu'ils avaient une réponse, et d'ailleurs peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas autant au moins que l'Inquisition, la proposition de ces pauvres qui d'ordre mendiant qui venaient et proposaient une autre spiritualité a dû jouer aussi sur l'adhésion ou le retour à la grande église de ces dissidents. Mais donc oui, c'est la décision qui va faire, la décision des autorités qui va faire que vous êtes exclu ou pas. Et cette décision des autorités, on l'a compris tout à l'heure en parlant d'Alain de Lille qui faisait lui-même référence à Tertullien, elle est fondée aussi sur une généalogie, pourrait-on dire. C'est-à-dire que on va chercher dans un temps donné, par exemple pendant la naissance de la réforme et du protestantisme ou au 19e siècle, on va chercher donc les personnes que l'on a face de toi comme étant héritier d'une hérésie ancienne. Donc on va aller chercher les manichéens, on va aller chercher les ariens pour pouvoir les cathares étaient considérés comme parfois comme des ariens, donc de cette religion arienne qui avait été combattue par les premiers pères de l'Église. Donc on va toujours aller chercher aux origines pour pouvoir justifier la répression du moment. Oui, bah d'ailleurs les premiers à s'être intéressés aux cathares, le terme est employé par eux, ce sont les protestants. Au 18e, notamment au 18e siècle, on a une étudiante à Lyon qui a fait un travail intéressant là-dessus, et ce sont les premiers à travailler sur eux, parce que justement il y avait des propositions qui les intéressaient, une question de réforme de l'Église, revenir au texte, revenir aux évangiles, il y avait une certaine proximité sentie en tout cas. Alors c'est curieux que on se serve des mouvements dissidents antérieurs pour accuser les nouveaux, mais on se sert aussi des anciens pour justifier la nouveauté ou voilà. Donc, mais ça, c'est de la rhétorique. Enfin, on est bien sur des discussions ou des disputations au sens noble du terme. Alors, ce protestantisme est considéré, vous l'avez dit tout à l'heure, comme étant tellement éclaté qu'on ne peut plus rien y comprendre. Presque chacun se vante d'être de la vraie Église à tel point qu'il éprouve l'envie de tirer par force l'autre dans son Église. À lui, dit par exemple Casper Schwenkeld en 1525-1530, donc au tout début de la naissance de la réforme. Donc il y a ce côté extrêmement émietté, pourrait-on dire, de ces églises, qui pose d'ailleurs la question de savoir comment les gouverner. Et c'est la question que se pose Luther ou, de son côté, Calvin à Genève. Oui, parce qu'en fait, Luther, il ouvre une boîte de Pandore. Lorsqu'il conteste les indulgences, il est condamné, mais en fait, il ne propose rien. Enfin, il propose une voie pour les fidèles, il propose une voie pour être authentiquement chrétien, selon lui, mais il ne propose pas d'église. Et en Allemagne, ceux qui se reconnaissent et on l'écoute et on l'écoute et puis et finalement donc chacun il va dans sa proposition d'organisation. Alors vous avez ceux qui vont être qui vont ajouter des illuminations ou dire que on peut avoir une inspiration divine ou la primauté absolue de l'Esprit Saint ou la primauté absolue de l'Esprit Saint ou un strict retour au texte ou simplement des baptêmes que l'on ne peut faire que sur des adultes et non pas sur des enfants, donc, etc. Les anabaptistes et jusqu'à des cités célestes comme à Münster où on va créer la Jérusalem terrestre puisque la fin du monde est là ça gêne Luther puisque Luther reste proche des pouvoirs en fait. Il est protégé par le roi de Saxe ou le duc de Saxe à l'époque. Il n'entend pas rompre avec les pouvoirs civils. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que donc ils vont soutenir par exemple la lutte contre ce qu'on a appelé la guerre des pauvres, donc issu de cette pensée de Thomas Munzer dont on parle dans son dernier roman, dans son dernier livre, Éric Vuillard, par exemple. Mais aussi, à Genève, on va exécuter Michel Servet. Donc ça veut dire que même dans une église qui se veut plus libre, d'une certaine façon, débarrassée de la tutelle papale, eh bien, on a aussi ses propres exclus, d'une certaine façon. On peut pas. Alors là, on est au début des mouvements, donc on comprend qu'il y a un bouillonnement et une réflexion, et qu'on tâtonne, et finalement qu'on trouve des explications. Alors si on se déplace un tout petit peu plus tard, quand les églises sont établies, hein, notamment dans le protestantisme, c'est pour ça que j'ai ajouté le cas des États-Unis, parce que c'est très intéressant. Là, il y a une distinction qui est faite entre ceux qui restent dans l'ensemble protestant, qu'on reconnaît comme protestants, puisque les fondamentaux sont là, et ceux qui ont ajouté quelque chose. Et là, s'ils ajoutent quelque chose, ils sont plus dans le protestantisme. Mmh. L'exemple, c'est les témoins de Jéhovah, qui ne reconnaissent pas la Trinité, par exemple. Donc là, ou les Mormons, qui ajoutent un livre, le livre de Mormon, aux évangiles. Et donc là, on n'est plus dans le protestantisme. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que face à un catholicisme unitaire, ou qui se veut le plus unitaire possible, eh bien, les protestants, comme par exemple Leibniz, répondent à Bossuet, il nous plaît, Monseigneur, d'appartenir à cette Église toujours mouvante et toujours variable, avec cette idée, effectivement, que, tout compte fait, la foi, elle est aussi liée au monde dans lequel on vit, et qu'elle n'est pas fixée par un dogme une fois pour toutes, en l'occurrence, Jean-Pierre Chantin. Et puis parce que aussi l'Église catholique ou les catholiques reprochent aux protestants cette pluralité en leur disant puisque vous êtes dans la pluralité, quelle vérité avez-vous ? Alors que nous on a la vérité, on est unis, regardez-nous, on porte quelque chose. Et donc dans la polémique, alors d'autant plus entre catholiques et protestants que finalement c'est à ce moment-là que le terme d'hérésie disparaît. Il va être employé encore jusqu'au début du XXe siècle réellement. Mais le terme, qu'est-ce que c'est qu'un hérétique ? Il peut avoir raison puisque les protestants ont développé leurs églises, sont reconnus, sont établis, et donc finalement on peut plus tellement se battre sur ces groupes dissidents, petits groupes dissidents qui sont dans l'erreur et la vérité dans l'Église. Donc on argumente sur la pluralité. Alors tout de même, on aura quelques exemples, et c'est votre spécialité puisque vous avez fait votre travail de thèse là-dessus, sur par exemple ces convulsionnaires de Saint-Médard de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avant la Révolution française et qui vont continuer à exister. D'ailleurs, vous m'avez appris qu'ils existaient peut-être encore jusqu'à aujourd'hui de façon souterraines, en l'occurrence, ces convolutionnaires de Saint-Médard, qui sont adeptes d'un culte autour d'un personnage qui s'appelle François de Paris, qui est mort en odeur de sainteté, selon eux, en 1727, qui a fait des guérisons, des miracles, et qui vont être combattus tout au long du XVIIIe siècle par l'Église, parce que... Alors, on les qualifie d'hérétiques ou pas dans ces non. cas-là? Oui, c'est ça. Et non, ils sont pas hérétiques. Alors là, c'est très intéressant. Donc, en fait, on est dans un mouvement millénariste qui attend la fin des temps. Ça fait partie du mouvement port-royaliste. Alors, janséniste, hein, vous savez, tout à l'heure j'ai dit que c'était un terme péjoratif pour eux. Donc, ils font partie de ce grand mouvement qui entend défendre la vérité. Or, la vérité est bafouée par l'Église catholique. Bon, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les miracles de Dieu qui vont dire où est la vérité. Mmh. Et les miracles de Dieu prouvent que ces fidèles-là sont les élus de la fin des temps. Donc, ils n'entendent pas du tout rompre avec le catholicisme. Ils critiquent l'Église romaine, qui n'est pas l'Église romaine d'aujourd'hui, infaillible, etc. On peut critiquer le Rome. D'ailleurs, Rome, en France, n'a pas forcément voix au chapitre, puisque les textes de Rome doivent être acceptés par la Sorbonne pour être acceptés en France. Donc, eux contestent ça et sont dans un mouvement millénariste qui est condamné localement. On n'accepte pas les fidèles au sacrement. Mais le mouvement en lui-même n'est pas condamné par une décision d'autorité. Alors, cette décision d'autorité a tout de même condamné certains des errements des jansénistes avec la bulle Unigenitus de Clément XI, juste avant la naissance de ce mouvement des convolutionnaires de Saint-Médard. C'était en 1713. Tout cela, tout de même, fortement soufflé par le roi de France, Louis XIV, tout de même. Mais la bulle Unigenitus, comme les cinq propositions, d'ailleurs, qui extraites du livre de Jansénius, ce sont des extraits de livres qui sont condamnés. Et on dit que ces extraits sont hérétiques. Mm-hmm. Mais on ne dit pas que la doctrine l'est. Alors, pour Jansénius, c'est très intéressant, puisqu'il s'appuie sur Augustin. Alors, comment dire que Jansénius, qui défend une position augustinienne, est hérétique? Là, il y a une difficulté, et donc l'Église ne veut pas jusque-là. Donc, il condamne des propositions, et l'Unigenitus, c'est ça. Et ceux qui se reconnaissent dans ces propositions le disent, mais attendez, regardez bien, le mouvement n'est pas condamné, on condamne telle et telle proposition, et bien souvent ils disent, oui, mais le pape a raison, c'est juste qu'il n'a pas compris ce qui est écrit son entourage n'a pas compris ce qui est dans le texte. Et donc, effectivement, vous dites progressivement ce terme d'hérétique va s'éteindre, même si au moment de la contre-proposition après la Révolution française de l'Église de France, on va voir certains repartir en croisade contre certaines des tendances de l'Église qui ne leur plaisent pas en les qualifiant d'hérétiques. On va petit à petit s'en débarrasser de ce terme d'hérétique qui nous intéressera tout au long de cette semaine. On va lui préférer justement ce terme de secte qui va reprendre de la vigueur et qui va devenir surtout le terme qu'on va employer à partir du XXe siècle. Oui. Alors le terme d'hérésie, il est employé une dernière fois au moment de la crise moderniste, en 1905, enfin, dans ces années-là. Et ça, je l'ai pas mis dans le livre, mais c'est la dernière fois où on condamne réellement une position comme mère de toutes les hérésies. Et après, on n'en parlera plus. C'est devenu en fait un dénigrement. C'est un terme qu'on emploie jusqu'à aujourd'hui encore, au sens commun, quoi, une hérésie. C'est pas tout à fait dans les corps, mais il n'y a pas de condamnation. Une hérésie culinaire, c'est par exemple de mettre des choses qui ne vont pas ensemble. Ça n'est pas véritablement, ça ne vous condamne pas à aller directement en enfer. Et le mot secte, finalement, il correspond plus à la sécularisation du terme. C'est-à-dire que les autorités vont condamner des groupes qui, socialement, sont inacceptables. Et c'est bien là la définition, finalement, de la secte actuelle. D'ailleurs, les sociologues la définissent comme ça. C'est un groupe qui, à un moment donné, et dans un lieu donné, pose un problème à la société. Enfin, où la société le voit dangereux. Alors, ça peut changer, ça peut évoluer. Et à partir du 19e siècle, on le voit avec le régime concordataire dont on parlait tout à l'heure, les tribunaux se mettent à condamner pour des raisons religieuses des groupes en disant, par exemple, le groupe de Vintras, le prophète Vintras, qui dit avoir des visions et qui disent que ces visions sont fausses. Ouais. Et c'est curieux qu'un tribunal civil, donc j'entends bien, il y a eu aussi une condamnation religieuse, mais le tribunal civil de Caen décrète qu'il est condamné. L'œuvre de la miséricorde, par exemple. Pour escroquerie, entre parenthèses, mais aussi parce qu'il a des soi-disant visions et des soi-disant antennes avec Dieu. Et c'est quand même curieux, et donc c'est une secte. Et voilà où le terme se sécularise, est employé par la suite avec quelques sursauts, notamment le Christ de Montfavet après la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Jean-Pierre Chantin d'être venu à partir de votre livre publié l'année dernière aux presses universitaires de Lyon, De secte en hérésie, étape d'une réflexion sur la dissidence religieuse à travers les âges, nous expliquer en tant que docteur en histoire religieuse contemporaine et spécialiste, on l'a dit plutôt, du 19e et 20e, de nous expliquer comment eh bien, avait cheminé jusqu'à nous justement cette question de l'hérésie depuis la naissance du christianisme. Vous faites même une incursion dans votre livre sur la naissance de l'islam et de la question de la secte des assassins qui intéresse beaucoup tous ceux qui jouent à Assassin's Creed aujourd'hui. Merci donc d'être venu nous éclairer. Demain, nous continuerons en travaillant autour du cas de Henri VIII. Et puis mercredi, nous nous poserons la question de savoir s'il existait des hérésies et quel type d'hérésie dans le monde romain avant même la naissance du christianisme, avant que jeudi, le documentaire d'Olivier Chaumel et d'Anne Fleury ne porte sur la question des Vaudois et de leur répression féroce dans le Luberon au XVIe siècle. Quand on suit l'actualité pendant un week-end, on peut être parfois ému par de grands événements dramatiques, mais également par la disparition de gens que l'on a croisés dans ces mêmes studios et que l'on a beaucoup aimés. Il y a par exemple le très grand géographe qui était Armand Frémont, qui était né au Havre en janvier 1933, vient de disparaître. Il était celui qui nous avait permis, à nous et sûrement à beaucoup d'autres de ceux qui s'intéressaient à la question géographique, de mieux comprendre ce qu'était un espace vécu en géographie, ce qu'était l'emboîtement des territoires, comment chacun d'entre nous n'était pas d'un seul territoire, et donc de réfléchir à des identités multiples qui pouvaient nous être convoquées par nous à chacun des moments de notre existence. On peut signaler en particulier le très beau livre qu'il avait consacré à sa ville du Havre, c'était chez Arléa, La mémoire d'un port, Le Havre en 1997, mais également tout autre livre qu'il avait consacré à sa Normandie natale. Et puis, il y a des décès qui nous touchent encore plus parce qu'ils touchent des personnes que l'on avait croisées dans ce studio plusieurs fois, mais qui, surtout, étaient plus jeunes. C'est le cas de Larissa Dufaux-Zakharova, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle était venue plusieurs fois nous parler ici même de ses travaux sur l'Union soviétique. Elle était spécialiste de sciences et techniques. Elle avait beaucoup travaillé sur la question des communications et des télécommunications dans l'Union soviétique naissante au moment de la révolution soviétique de 1917 et des années 1920. Mais elle s'était également spécialisée sur la mode. On a parlé il y a très peu de temps dans la Fabrique de l'histoire de la mode et du vêtement. Elle était venue pour nous parler de cela. C'était en 2012. On écoute un extrait de cet entretien. On peut penser que la mode soviétique, l'expression même, c'est une sorte d'oxymore. Mais c'est une expression qu'on trouve dans les sources à partir à peu près des années, de la deuxième moitié des années 30. La mode soviétique, ça devient un sujet d'importance politique. Parce que par le biais de vêtements, on essaie de prouver les avantages du socialisme par rapport au capitalisme. On considère qu'il y a des avantages matériels à montrer à travers la création de vêtements et la consommation de vêtements. Donc, bien évidemment, il y a des contraintes et des débats. Tout n'est pas lisse. Et donc, les contraintes sont, comme vous avez dit, de l'ordre idéologique, parce que la mode, à l'origine, c'est un phénomène bourgeois. Donc, contraire aux valeurs de la société socialiste, égalitaire, qui bannit tout gaspillage et toute distinction sociale. Donc, dans la société soviétique, malgré cette ligne politique qui essaie de prouver les avantages matériels du socialisme, il y a quand même des gens, des économistes notamment, qui considèrent que la mode n'a pas lieu d'être dans le pays des soviets. Et donc, ils considèrent que ça amène au gaspillage du travail humain, parce qu'il faut jeter les vêtements avant leur usure matérielle. Mais il y a les créateurs, en effet, qui essaie de défendre la fonction sociale de la mode en disant que c'est quelque chose qui permet d'éduquer le goût des consommateurs. Voilà, c'était donc un extrait de la voix de Larissa Dufaux-Zakharova, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, disparue à l'âge de 42 ans. Ce week-end, elle était spécialiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc de l'histoire du logement, des biens mobiliers, de télécommunications, des sciences et techniques, mais également de cette mode soviétique sur laquelle, à laquelle elle avait consacré un ouvrage tout à fait intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à cette histoire de la mode, mais aussi au contraire contradiction, comme elle le disait elle-même, à cet oxymore de parler de mode soviétique. On pense beaucoup à sa famille en ce moment. Donc, vous pouvez bien entendu réécouter certaines des émissions de Larissa Dufaux-Zakharova dans la Fabrique de l'Histoire en allant sur le site de franceculture.fr. Pour toutes ces bibliographies ainsi que pour le livre de Jean-Pierre Chantin de Secte en hérésie aux presses universitaires de Lyon, vous pouvez vous rendre bien évidemment sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page de la Fabrique de l'Histoire. Mais également, vous pouvez écouter cette émission sur le site et la commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous parler, nous discuter avec nous sur le site Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Cette émission a été préparée comme d'habitude par Céline Leclerc et Marion Dupont. Ludovic Auger nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury était à la réalisation. Demain, nous parlerons donc dans notre série d'émissions consacrée à l'histoire des hérésies de Henri VIII et de son temps.